les voitures brûlent. De Sarcelles à Nanterre, je suis atterré comme la tristesse dans les yeux de ma mater. Je parle à mes frères, pour qui les bavures font mal. J'ai peur que le FN remonte vite dans les sondages. Au mieux on sourit, même si la merde nous pend au nez. De toute façon ça devait péter un jour de clichés à Aulnay. C'est vrai, te sortent les gros cartes au son fin. C'est vrai, personne ne voit son plan derrière se finir à G20. Beaucoup en bas, car beaucoup en bas de l'échelle. Dur de remonter, quand pour manger il faut baisser les chines. J'attends une vie meilleure et que tout se calme. C'est vrai, j'y crois l'ami, tout comme le beau temps en Bretagne. Délit facile n'est qu'un délit facile. Tu me cites Sarko mais je comprends pas que ce débile fascine. De toute façon il faut qu'il se taise. Avec ses balivernes, mes pensées sont sombres. Ça ne se voit pas sur mon épiderme. Chez nous ça crame, crame et chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard. Chez nous ça crame, crame et chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard. Tu nous as poussé à bout et t'abuses, ferme ta bouche. Si on en est là, c'est que t'as tout fait pour les terres, t'es prolétaire. Tu crois qu'une vie de merde donne pas envie de se révolter pour les déterres. Tout flambe des écoles jusqu'aux audits, c'est toi qui as tout pété, c'est eux que t'as accusé. J'ai honte du taux de logements sociaux dans ma ville. Et sur ma vie, si je vois Marine, elle finira à l'asile. Avec tes flics d'un QI, d'une blonde, tu croyais aller où? Nos cités des tombes, quand c'est pas sous les écrous. Laissez parler vos jeunes, cessons d'être vieux jeux. Même à votre époque, s'en sortir, c'était cheux. Je dis pas que j'approuve une méthode, mais sur le fond, non pas tort. C'est ce manque de taux qui fait qu'on prend la vie à bras le corps. Je dis juste qu'il fallait se bouger avant. Depuis le temps que c'était prédit, t'as pas éteint le feu à temps. Chez nous, ça crame, crame. Chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard. Chez nous ça crame, crame. Chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard. Crois pas qu'on coule parce qu'on a froid. Yes, ça coule, se mettre un doigt douche. Mythe que je baisse leur mère et qu'ils peuvent se mettre à droite. Il faut pour faire entendre, je suis mauvais en langue. Pour l'état c'est game over, car on sera toujours en bande. Les choses se compliquent, les KRA sortent des compiles. On lève le stud en feu, les pompiers arrivent des complices. Poto, moi j'ai la pelle quand j'ai un molotov dans la poche. Me parle pas de ta mégane car elle finira en torche. Mène mon combat avec les miens, déterminé comme les siens. Appelle-nous Marine, on va lui tâter ses seins. On passera pas pour des héros, juste pour des rebelles. Appelle-moi Lorenzo et passe-moi une rebière. Dans les quartiers ça brûle et chez les tapés ça hurle. Appelle les militaires car je te jure que ça hurle. Y'a pire, je pourrais finir en calèche. J'ai la guerre, je l'avoue, dans les cités t'as des. Chez nous ça crame, crame, et chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard. Chez nous ça crame, crame, et chez toi ça fume, fume. Et si tu parles mal, les conséquences faut que tu les assumes, fume. On a pris ton pays en otage. Pas rien que la raconter, on parlera pas de plus tard.